Avenir étant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Rouillère qui vient nous parler de son roman « C'est écrit dans nos livres » publié aux éditions Rebellin. Bonjour Nathalie. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, nous parler de vous un petit peu ? Ben oui, donc je suis institutrice, enfin on dit professeur des écoles maintenant, depuis 33 ans. Je suis nancéenne d'origine puisque je suis née à Nancy. J'ai habité rue des Ponts, pas loin, quand j'étais toute petite. Et puis voilà, mes parents sont partis travailler dans les Vosges, donc on s'est installé rapidement dans les Vosges. J'ai grandi à Mirecourt, capitale de la lutherie, voilà. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a amené à écrire ? Alors, l'écriture, mais c'est venu assez tard, en fait, hein, parce que je ne pensais pas, on m'aurait dit, il y a 15 ans, tu vas écrire des romans, j'aurais rigolé, quoi. Et puis, finalement, c'est les attentats du 11 septembre qui m'ont un petit peu poussée à écrire, un besoin de partir, et puis je ne pouvais pas partir, puisque j'ai de la famille. Et puis donc, du coup, j'ai écrit, j'ai mis en scène une instit qui plaque tout pour aller aux États-Unis, quoi, à la recherche de quelque chose qui donne un sens à sa vie, parce qu'après les attentats, elle a eu, comme moi, l'impression que c'était la fin du monde et qu'elle avait pas d'aboutissement à sa vie personnelle, quoi. Donc dans ce livre qui s'appelle « Le rêve à Élise », elle traverse les États-Unis en prenant le train d'est en ouest, le cheval de fer mythique qu'elle a lu dans des livres quand elle était plus jeune. Et puis en fait, c'est un voyage initiatique où elle raconte un petit peu tout ce qui se passe. Et puis elle reprend confiance dans la vie et dans les hommes. Et en fait, quand j'ai fini ce premier roman, je me suis rendu compte que ça me plaisait, puis que j'arrivais à boucler une histoire complète, quoi. Alors il y avait déjà un petit peu du suspense, mais c'était pas du polar. Mais comme j'ai toujours adoré le polar, j'ai lu tout Agatha Christie. Déjà dans la Bibliothèque Rose, on a tout, c'est du polar quasiment, toutes les enquêtes du Club des Cinq, etc. Donc j'ai toujours baigné là-dedans, j'ai lu énormément. Je lisais un ou deux bouquins par jour sans problème. On n'avait pas de télé, on n'avait pas d'ordi, donc on avait du temps de libre. Donc du coup, ça m'est venu assez facilement d'écrire du polar. D'accord. Voilà. Et j'ai vu aussi que vous aviez écrit des romans policiers fantastiques. Alors quelle est la différence entre... Alors dans le fantastique, ce que j'aime bien, c'est d'insinuer le doute. De dire, les policiers vivent des expériences. Par exemple, dans Poussière d'outre-tombe, c'est sur fond de vampirisme. Les vampires n'existent pas. Mais il se passe des petites choses qui fait que on finit par se poser la question. Ça n'existe pas, mais voilà, je veux pas qu'il y ait de réponse toute faite. L'enquête se clôt normalement, mais il reste un petit questionnement chez le lecteur. Dans « Par ce signe, tu vaincras », il y a une légende qui parle d'un chevalier teutonique qui hante les bois parce qu'il protège un trésor. Et dans la lecture, de temps en temps, on entend des bruits métalliques et des sabots de chevaux. Voilà, il y a ce côté un peu « il n'existe pas », mais pourtant, on entend ou on voit une ombre. La résurgence des parfaits, c'est pareil. Il y a un moine qui est là sans jamais être là. C'est-à-dire que les témoins désignaient un moine à chaque enquête, mais en fait, il n'est jamais là. Personne ne peut dire vraiment qui c'est et pourquoi. Voilà. Donc il y a toujours un petit côté comme ça, pas obscur, mais presque. Alors, c'est écrit dans nos livres, est un roman policier classique. Vous pouvez nous en parler ? Alors oui, il est plus classique et il change un petit peu de ce que je fais d'habitude, dans le sens où j'ai un petit peu cherché dans ma vie personnelle pour écrire ce roman. Déjà, simplement, ça commence, c'est l'histoire d'une romancière qui écrit des polars et qui n'a pas beaucoup de succès, jusqu'au jour où elle décide pas écrire un polar, mais d'écrire un petit peu sa vie, et notamment ses 18 ans. Alors 18 ans en 1981, c'est quand même une année particulière avec François Mitterrand, tout ça. Moi j'ai eu 18 ans justement cette année-là, et avec le bac, le permis, un air de liberté, le côté on vote à gauche, c'était la première fois que je votais, les présidentielles. Enfin, j'ai vraiment une impression de 18 ans sur un petit peu un nuage, en même temps avec plein de questionnements, les premières amours, etc. Donc il y a toute... Donc c'est vrai que c'est un livre que j'aimerais bien écrire, en fait, sur mes 18 ans. Mais j'ai pas envie de l'écrire maintenant. Et là, je trouverais rigolo, finalement, de faire des prémices de ce livre dans un polar. Donc la romancière trouve un petit peu de succès, elle trouve l'amour surtout. Et donc, ça se passe entre Nancy et Metz. C'est ça qui m'intéressait aussi. Donc, elle tombe amoureuse d'un libraire à Metz, qui a sa boutique et son appartement sur Metz. Et puis, voilà, ils entament une relation jusqu'au jour où elle va faire ses dédicaces, etc. Elle ne travaille plus parce qu'elle s'est occupée de son papa qui avait la maladie d'Alzheimer. Donc, elle était enseignante, elle a tout arrêté pour s'en occuper pendant 10 ans, jusqu'au jour où elle est obligée de le placer, elle n'a pas le choix parce qu'elle ne peut plus s'en occuper, ça devient trop difficile. Donc, elle essaye de vivre de son écriture, donc là, elle est contente, elle peut partir faire des salons, elle est invitée pour des dédicaces, mais le soir, quand elle rentre, elle est suivie, elle entend des bruits de talonnettes derrière elle, elle se sent suivie et ça l'oppresse énormément, elle n'ose pas en parler, et puis ça dure, etc. Donc elle finit par craquer quand même, à en parler à son compagnon, qui dit bah, finalement, le mieux ce serait que tu viennes vivre à Metz avec moi. Voilà, donc là c'est tout le début de l'intrigue, elle va vivre avec, et puis surtout elle décide de faire un break. Elle a dit j'arrête 15 jours, le temps de m'installer et tout ça, et puis je reprendrai après. Et quand elle reprend, elle rentre sur Nancy et elle apprend que son fiancé est assassiné. Et à partir de là, c'est un petit peu... ça devient pour elle complètement fantastique puisqu'elle se retrouve de l'autre côté. Elle écrit des polars, elle pensait qu'elle connaissait plein de choses, puis en fait non, parce que comme elle se retrouve accusée de ce meurtre, elle est un petit peu perdue et elle se rend compte qu'elle n'a pas le caractère, qu'elle n'a pas du tout pour se défendre, pour essayer de chercher la vérité. C'est, autant elle arrive à écrire, autant dans la vie, bah, finalement, c'est pas, elle n'est pas du tout détective. Quoi. Non, mais c'est voilà, sûr. Voilà. Donc, c'est le beau-frère, c'est-à-dire le frère du jeune homme assassiné, Perceval, qui est inspecteur de police à Paris, qui va un petit peu l'aider et mener l'enquête. Voilà. Donc, est-ce qu'elle est coupable? Est-ce qu'elle n'est pas coupable? En tout cas, il y a pas mal de réponses dans son livre, puisqu'il faut remonter à ses 18 ans pour comprendre un petit peu. Voilà. Donc, elle va parler de ses 18 ans. On va évoquer pas mal de choses sur sa vie à elle, à cette époque-là. Et puis, ben, trouver pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est coupable ou pas? Voilà, voilà, voilà. Alors, nous allons faire une première pause musicale. Nous D'accord. allons écouter Le Facteur de Georges Moustaki. Le jeune facteur est mort. Il n'avait que 17 ans. Les bras chargés de tous mes mots d'amour, c'est lui qui portait dans ses mains la fleur d'amour cueillie dans ton jardin. Avec Nathalie Rouillère. Alors, Johan, votre héroïne, est un écrivain obscur, donc vous le disiez, jusqu'à ce qu'elle édite un livre à peu près autobiographique sur l'année de ses 18 ans. C'est la notoriété que lui apporte ce livre qui va tout déclencher, non ? Oui, c'est ça. C'est ça, en fait, parce qu'elle va refaire surgir des images d'elle qui avaient disparu pour certaines personnes. Et du coup, on pensait qu'elle était peut-être morte, etc. Mais elle est toujours là. Et même elle, ses 18 ans, sont tellement loin qu'elle elle n'aurait jamais pensé à quoi que ce soit. Elle est très, très surprise par ce qui... Par ce qui arrive. Oui, oui, oui. Alors, vos héros se prénomment Johan, Tristan, Perceval et Guenièvre. On se croirait presque dans un roman de table ronde. Vous aimez les légendes médiévales ? Oui, là, je trouvais ce côté un petit peu chevaleresque, comme c'est le beau-frère qui va venir défendre la future de son frère défunt, en quelque sorte. Donc, il y a ce côté chevaleresque, et l'idée m'est venue. Ils sont d'origine bretonne, donc leur maman qui adorait toutes les légendes arthuriennes, etc., les a affublées de ses prénoms, Perceval, Arthur et Guenièvre. Alors, la sœur Guenièvre préfère qu'on l'appelle Gwen, c'est quand même un peu plus... moderne. Voilà, plus moderne, voilà, c'est ça. Alors, le roman se situe dans notre région, vous l'avez dit, entre Nancy et Metz. Vous pensez que situer l'action dans un endroit que nous fréquentons augmente l'intensité du suspense ? Eh bien, apparemment, oui. Alors, moi, au départ de mon écriture, justement, le lieu n'était pas important à ce point, puisque ça me permettait de le créer complètement, le lieu. Donc là, c'est vrai que les gens demandent toujours, ça se passe où ? Voilà, donc on sent qu'il y a un intérêt vraiment pour le lieu. Donc du coup, on essaye de se raccrocher maintenant plus facilement. Je ne suis pas la seule, j'en ai déjà discuté avec d'autres auteurs. Moi, j'aimais bien le côté, justement, créer son propre lieu, donner des noms de rues qui vont avec l'intrigue, surtout dans du polar. J'ai un roman sur la mythologie grecque, où tous les noms de rues, tout ça, ont un rapport avec la mythologie grecque. Donc moi, ça me permet de jouer encore plus sur les mots et sur les indices. Alors que là, du coup, c'est plus difficile, puisqu'il faut au contraire faut faire des recherches pour ne pas se tromper. Vous ne pouvez pas imaginer le temps que j'ai passé à chercher une cabine téléphonique dans Nancy, parce qu'il n'y en a plus. Oui, c'est vrai. Bon, alors, ça se passe en 2001, donc à l'époque, je me suis dit, après tout, il peut encore y en avoir. Et à force de recherche, j'ai trouvé quand même, effectivement, normalement, il reste une cabine sur la place, là-bas. Mais bon, c'est des choses comme ça ne se passe pas aujourd'hui, en 2016. En plus, il faut que je vérifie, parce que les rues et les villes changent tellement. J'ai fait un roman sur qui se passe dans Paris. Il fallait, j'ai amené mon compagnon pour qu'on aille vérifier toutes les rues. Ah oui. Parce que quand l'héroïne se déplace, etc., bon, il ne faut pas que la rue n'existe plus ou qu'il y ait eu des telles transformations. Voilà, donc je suis un peu pointilleuse, on va dire. J'aime bien que tout ce que je dis, tout ce que je mets dedans, à part l'intrigue elle-même, puisque c'est moi qui l'ai créée, du coup, le reste doit être vraisemblable, doit exister. Doit... Oui, oui. Voilà. Alors ça m'a amusée parce que j'habite... dans le quartier décrit à Nancy, et donc je ne regarde plus de la même façon. Ah, mais on ne sait jamais qui nous guette derrière ces carreaux, il faut faire attention. Alors, il y a une certaine ressemblance entre Johan et vous, puisqu'elle était professeure de français avant de se mettre à écrire, plutôt des romans policiers comme vous. Oui, oui. Il y a oui. Beaucoup de vous dedans. Disons que oui, comme je l'ai dit, l'année des 18 ans, alors tout n'est pas vrai non plus, mais je m'en suis inspirée effectivement pour utiliser son vécu, ça permet aussi de ne pas avoir à chercher des situations. Donc voilà, il y avait ça. Donc c'est vrai qu'à 18 ans, je suis allée en Corse, effectivement. Et il m'est arrivé 2-3 choses là-bas, effectivement. Après, tout le reste, il faut broder. C'est du roman, bien sûr. Bon, aux gens d'imaginer ce qui peut être vrai ou pas. Il y avait ce côté-là aussi rigolo, puisque apparemment, les gens aussi aiment bien qu'on parle alors soit de la région, soit de soi, soit du vécu, soit du vrai, comme ils disent. Ah, ça s'est vraiment passé. Alors, à chaque fois, je suis obligée, je dis non, c'est moi qui invente. Donc, on a l'impression que c'est mieux pour eux quand ils disent « Ah oui, c'est du vrai, c'est vécu, c'est... » Voilà, donc on s'adapte un petit peu aussi. Alors, les anecdotes avec deux chanteurs très connus sentent le vécu. Vous les avez vraiment vécu. Alors, oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai, l'année-là, j'ai travaillé à l'aéroport de Calvi. Ce petit bout-là est vrai. Et c'est donc Monsieur Dutronc qui est venu avec son gros cigare, qui a traversé le hall qu'on venait de nettoyer et qui ne se gênait pas pour mettre les cendres par terre. Alors, bon... Quand on est une petite jeune comme ça, on était trois en plus, parce qu'on avait la place d'une femme de ménage, mais on était trois jeunes filles, parce que une des filles, c'était le capitaine de l'aéroport, le commandant de l'aéroport. Donc on avait eu la place comme ça, j'étais la seule majeure, donc le poste était à mon nom, mais on faisait le ménage toutes les trois. Voilà. Oui, donc c'était déjà un peu inhabituel, on était là avec nos balais, on essayait de nettoyer ce grand aéroport qui est tout petit en fait, mais pour nous ça paraissait immense. Et puis il arrive là, nous on était... t'as vu qui c'est ? Et puis finalement, il met ses cendres par terre, là où on venait de nettoyer, quoi. Alors, ça nous a marqué, c'est vrai. Ça, c'est pour le premier, oui. Et puis le deuxième, donc, Monsieur Gainsbourg, effectivement, on l'a rencontré dans un bistrot à Calvi. Ça s'est un petit peu passé comme ça quand même, parce qu'il n'était pas, disons, dans son état tout à fait normal. C'est pour ça qu'on lui a pardonné assez rapidement après. Mais oui, il était là, il buvait un petit coup. Et puis, bon, ça s'est bien passé, hein, parce que les personnes qui étaient là l'ont gentiment reconduit. Et puis, voilà, mais c'est vrai que pour nous, c'était pareil, rencontrer une vedette comme ça... Bon, ça a un petit peu émoustillé tout le monde, on va dire. Oui, bien voilà. Sûr. Alors, Guenièvre, Gwen, donc, comme elle préfère qu'on l'appelle, est styliste et vit maritalement avec une autre femme, oui. Annie. Oui, oui. Alors, l'homosexualité n'est pas encore admise par tous aujourd'hui. Vous avez eu des retours de lecteurs à ce sujet ? Eh bien, non. C'est pas la première fois que je parle d'homosexualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on est entouré de personnes homosexuelles. Donc, ça devient pour moi une habitude. Et puis... Oui, pourquoi pas. Donc, non, j'ai pas de retour. Non. Désagréable. C'est... Non, pas du tout, pas du tout. Ah bah c'est bien parce que effectivement, tout le monde n'accepte pas ce genre de. Non. Mais j'ai aussi l'impression que ça fait longtemps que c'est admis. J'ai l'impression plus facilement chez les femmes. Parce qu'il me semble qu'il y a des femmes qui sont ensemble depuis plus longtemps et que chez les hommes, ça a mis plus de temps à être accepté. Je ne sais pas trop, hein, mais c'est vrai que nous, dans notre village, on a un couple de femmes et un couple d'hommes. Hein, dans un village de 280 habitants, bon, bah, ils sont acceptés et puis voilà. Hein. Bah, écoutez, c'est merveilleux. Bah, c'est bien, oui. Bah, bien sûr. Alors, à un moment, Tristan dit « Tu es comme la plupart des lecteurs. Dès qu'il faut réfléchir un peu, tu abandonnes. » Vous le pensez vraiment ? Bah, disons que, oui, c'est les seuls retours que j'ai eus, c'est de gens qui ont senti que c'était trop compliqué. Ah bon ? Oui, voilà. Donc, alors, pas forcément sur celui-là, mais sur d'autres... pour qui le policier, c'est quelque chose de difficile, comme si on leur demandait de mener l'enquête. Ah oui ? Voilà. Alors, justement, moi, je leur dis, mais vous vous laissez porter par l'intrigue, vous n'êtes pas obligé de trouver qui c'est. De toute façon, vous aurez la solution à la fin. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais non, il y a des gens pour qui il y a trop de personnages ou il y a trop de choses à se souvenir. C'est assez rigolo, mais... L'intérêt d'un roman policier, c'est d'essayer de trouver, justement. Oui, mais j'ai du mal encore à comprendre. Alors, c'est pareil, le roman policier, en fait, c'est pas ce que lisent les gens en priorité. Il y a une frange de lecteurs qui lit du polar, mais il y en a beaucoup qui lisent pas de polar. Et alors, ils se laissent bercer peut-être par les séries américaines ou je sais pas trop, oui. Mais... Moi, le polar, c'est ma série télévisée, moi, en fait. Oui. Alors, comme Johan, j'imagine que les séances de dédicaces sont un passage obligé pour se faire connaître. Oui. C'est difficile de trouver quelque chose à dire à chacun des lecteurs ? Pas trop, enfin, c'est-à-dire que maintenant je parle avec l'expérience, ça fait quand même plus de 10 ans que... Au début, oui, alors au début on est complètement bloqué, il y a des amis auteurs qui me disaient « il faut que tu souris quand même », j'étais devant mes livres à me demander « mais qu'est-ce que je fais là ?» Voilà, aujourd'hui c'est plus facile parce que j'ai pris un petit peu d'assurance je pense et je discute un petit peu avec les gens, donc du coup finalement en discutant avec eux il y a un petit truc qui va ressortir, qui peut permettre de faire la dédicace. Sinon, maintenant, avec l'habitude, j'ai des phrases toutes faites que je vais mettre au cas où, quoi. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de discuter un petit peu avec les gens, de se trouver des points communs. Bah, tiens, ils ont bien aimé, ils aimaient ça, ou ils ont lu tel bouquin. Donc voilà, ça permet de faire un truc un peu plus personnel, mais ça dépend. Mais moi, personnellement, j'aime pas trop être en dédicace toute seule. Donc, je ne fais pas trop dans les librairies, etc. Bon, d'abord, parce que je travaille puis je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je le fais un petit peu à mi-recours parce que c'est dans ma ville. Donc, je connais un petit peu de gens. Donc, je peux discuter avec les... Toute seule ailleurs, j'ai du mal. En salon, ce n'est pas pareil parce qu'on a nos collègues auteurs autour. Donc, s'il y a un petit peu de vide, on peut discuter. On peut, vous soutenez, voilà. En fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, des fois, c'est vrai qu'on intervient dans la conversation des uns des autres. C'est plus convivial, quoi. C'est un rapport de... C'est chaleureux. Alors qu'en dédicace, souvent, la libraire, elle est occupée. Les vendeuses aussi. Donc, on est là toute seule à notre table. Et puis, les gens y passent, mais ils sont des fois surpris de voir qu'il y a un auteur. On a un petit peu peur de rentrer dans leur vie comme ça, alors qu'ils sont... Voilà, donc moi, j'ai toujours un petit peu de mal à rentrer en contact. Bon, s'ils viennent me voir, s'ils parlent, il n'y a pas de souci, mais je ne sais pas les alpaguer, comme certains ont l'art de... Oui, bah, oui. Venez, etc. Je ne sais pas faire ça. Je ne suis pas vendeuse en l'âme. Alors, quels sont les auteurs qui vous ont influencé ? Alors, Agatha Christie, oui, automatiquement. Et puis, un petit peu tous les auteurs de romans policiers, hein, Maurice Leblanc, Simenon, etc. Et puis après, j'ai tellement lu aussi de livres. J'avoue, sincèrement, je ne me souviens pas des auteurs, des titres, etc. Voilà. Ouais, ouais. Alors aujourd'hui, je lis beaucoup de littérature anglo-saxonne pour ce qui est du polar. Oui, moi aussi, j'adore. Voilà. Alors j'ai découvert aussi, grâce à des lecteurs, j'ai découvert les pays nordiques et, oui, et tout le. Ils ont vraiment aussi. Et là, il y a le fantastique qui joue pas mal. Alors c'est Paasilinna. Ça, c'est son nom, je ne me souviens plus de son prénom, qui écrit, par exemple, qui mêle la mythologie nordique à du polar. Il a toujours des personnages, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Là, j'avoue que ça me plaît beaucoup. Sinon, j'évite quand même de lire trop de polar, surtout quand je suis en écriture, pour ne pas être influencée, pour ne pas. Parce que je pense qu'inconsciemment, on tape un peu dans tout. Et je préfère faire confiance à mon imaginaire d'avant que d'essayer de plaquer sur ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors nous allons faire une deuxième pause musicale, donc vous avez choisi d'écouter Sarah par Serge Reggiani. Si voilà rencontrée, bizarrement parée, traînant dans le ruisseau un talon déchaussé, et la tête et l'œil bas comme un pigeon blessé, messieurs, ne crachez pas de jurons ni d'ordures au visage fardé de cette pauvre impure que déesse famine a par un soir d'hiver contrainte à relever ses jupons en plein air. Cette bohème-là, c'est mon bien, ma richesse, ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours. Au jour le jour, la bouche usée par les baisers. Trop souvent, mais trop mal donné. Le teint blafard, malgré le phare, plus pâle qu'une tache de lune. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les seins si lourds de trop d'amour ne portent pas le nom d'appât. Le corps lassé, trop caressé, trop souvent, mais trop mal aimé. Le dos voûté semble porter des souvenirs qu'elle a dû fuir. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes lorsque la nuit nous réunit. Son corps, ses mains s'offrent au mien et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures qui me rassure. Alors, nous sommes toujours avec Nathalie Rouillère. Alors, dites-nous où on peut trouver vos livres, bien sûr. Alors, on a un site internet pour la maison d'édition, donc avec tous les résumés. Il y a des bons de commande, on peut commander directement en ligne. Donc, je rappelle, c'est Rebeline. Oui, édition Rebeline. En tapant Nathalie Rouillère, on tombe dessus aussi, ou sur mon blog, et c'est réorienté. D'ailleurs, là, il y a toute l'actualité littéraire de mes compagnons, de mes collègues auteurs et de moi-même. Et puis sinon, ben, en librairie, il n'y a aucun souci. Hein, on est sur les listes de diffusion Electre et Edilicom, donc il suffit de commander en librairie. Le livre arrive. Voilà, on n'est pas en stock, mais aujourd'hui, les commandes se font sans problème, quoi. D'accord. Alors, quels sont vos projets? Quelle est votre actualité? Alors, l'actualité, là, au niveau des salons, ça se calme un peu, parce qu'en fait, c'était septembre, octobre, où il y avait le plus. J'étais aux Ailes du Livre à Longwy, samedi, dimanche, donc ça s'est bien passé, on a eu pas mal de monde. Et puis là, le prochain salon, c'est au Luxembourg, Valfeur-d'Ange. Il y a un gros salon qui est organisé là-bas, francophone, où on est invité, donc en général, ça se passe bien aussi. Et puis, il y aura des séances de dédicaces à Mirecourt, parce que la publicité du livre a passé sur le magazine des Vosges, donc à ce moment-là, c'est intéressant de faire une dédicace. Les gens vont venir plus facilement. Oui, voilà, et puis après, ben, ça se calme. Après, on reprend une nouvelle année en janvier. En général, il y a Fantasticar, je commence avec ça. Il y a Gondange, le livre féminin. Il y a pas mal de salons qui s'enchaînent. J'en fais pas mal dans l'année, puisqu'on n'est pas diffusé. On est une petite maison d'édition, on n'est pas diffusé. Donc, on essaye de se diffuser déjà nous-mêmes. Oui, donc, être présent dans les salons, c'est une vitrine pour la maison d'édition. Et puis, ça nous permet aussi de rencontrer nos lecteurs et de rajouter des ventes, forcément. Oui, bien sûr. Et votre projet, vous avez des projets d'écriture là, pour... Ah oui, toujours, parce que j'écris toujours en hiver. J'écris pas en été, j'écris plutôt en hiver. C'est plus propice à mon imagination quand il fait nuit, quand c'est sombre, quand il y a des bruits bizarres. On va dire que c'est plus facile. Oui. Alors là, je reprends ma série, parce que j'ai une série, c'est la série Akam. C'est une détective privée. Donc j'ai déjà écrit 4 romans où elle enquête avec les mêmes inspecteurs. Et là, je voudrais écrire une cinquième enquête. Alors justement, on parlait de pays nordique. Je suis en train d'étudier l'occupation des Vikings en France. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est plus sur la Manche et ces coins là-bas. Mais je voudrais trouver, parce que apparemment, il y a eu aussi quelques... Ils sont venus jusque dans les terres. Et dans les recherches que je fais, là, j'ai peut-être des pistes pour que ça se passe entre les deux coins-là. Donc il y aura une histoire certainement de dieux nordiques, de choses un peu bizarres. On retourne toujours un peu dans le fantastique avec la série Akam. Donc Akam, c'est une petite détective privée qui a quitté la police suite à certaines affaires et qui enquête, mais bon, elle a son tempérament, elle va faire les choses à sa façon, donc elle est souvent en bisbille avec les inspecteurs qui, eux, sont obligés de suivre les procédures. Elle, son avantage, justement, c'est qu'elle n'a pas de lien, donc elle peut suivre son instinct, foncer, aller interroger les gens, se faire une idée. Voilà, donc c'est plus le retour à un côté psychologique des enquêtes, ça doit être les restes d'Agatha Christie, certainement, parce que elle ne se sert pas de l'ADN et tout ça, elle n'a pas à disposition. Donc en revanche, le travail des inspecteurs à côté, ça permet d'étayer, de renforcer ses hypothèses. Ah oui, d'accord. Voilà, voilà. Et quand vous commencez un roman, vous savez déjà... Comment il va... Alors, je vais vous dire, pas du tout. Pas du tout. Ou bien j'ai une idée, mais qui peut très bien changer en cours de route. D'accord. Ça m'est arrivé d'avoir 3-4 coupables en cours de route pour finalement en prendre un autre qui n'avait rien à voir. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de l'écriture, il y a parfois des détails ou des choses qu'on met sans se rendre compte de l'importance qu'ils vont avoir après. Oui. Et d'un seul coup, je réalise que la façon dont j'ai écrit, j'ai souvent plusieurs coupables possibles. Voilà. Donc souvent, simplement en allant rajouter un détail, un indice quelque part, je peux vraiment à la fin trouver... Mais jusqu'à un certain moment, en fait, je vais avoir plein de personnages et je vais encore me poser la question. Alors, c'est mieux que ce soit lui, non? Ben non, parce que lui, il est là. Alors, voilà, ça reste toujours ouvert, en tout cas. Ah oui, mais ça doit être amusant. À construire. Oui, alors des fois, c'est un peu inquiétant aussi, parce que quand on arrive aux trois quarts et puis qu'on ne sait toujours pas qui a tué, on se dit, bon, là, c'est quand même un petit peu embêtant. Il va falloir se décider quand même à un moment donné, quoi. D'accord. Voilà. Eh bien alors, vous enseignez? Vous avez déjà trouvé des enfants qui seraient susceptibles d'avoir un talent d'écrivain? Alors c'est difficile parce que j'ai des enfants 7-8 ans. Ah oui, donc ils sont encore beaucoup plus dans la lecture. Donc dire, alors j'en vois qui aiment lire déjà, qui se passionnent, mais de là à ce qu'ils deviennent écrivains, je ne sais pas. Alors j'espère, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors merci à Nathalie Rouillet d'être venue nous parler de son livre « C'est écrit dans nos livres ». Publié aux éditions Rebeline. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir.